Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Et nous avons le plaisir de faire une émission tout à fait spéciale ce soir jusqu'à 22h. Une émission dont le thème est « Pour une réhabilitation de la critique dans le monde de l'art ». Autour de cette table, en plateau, nous avons tout d'abord Lucie Lipard. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Moineau. Bonsoir. Bonsoir. Raël Puffert et Michel Chevalier du collectif Target Autonopop. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Yann qui va se présenter, qui est pas mal à l'initiative de cette émission d'ailleurs. Non, c'est surtout le Target Autonopop. Target, d'accord. D'accueillir ses invités sur Radio Libertaire. Ce soir, Radio de la Fédération anarchiste, et d'avoir ici des personnes qui ont à apporter sur la question de la critique du monde de l'art. D'accord. Donc, Michel et Raël, vous nous proposez une émission tout à fait particulière ce soir. Donc, Michel, je vous laisse la parole pour nous expliquer ce qu'il en est sur le thème de cette émission. Oui, enfin, peut-être quelques mots sur notre collectif. Nous sommes, il y a Raël Puffert, moi, Tobias Stiel à Francfort, à Paris, on a notre collègue Jérôme Guigue, à Montréal, Éric Letourneau, d'autres gens qui font des interventions ponctuelles. Donc, on fait d'autres choses à côté, mais dans Target Autonopop, on essaie de focaliser notre énergie sur une attaque sur le marché de l'art. Dans la mesure que le marché de l'art est, selon nous, un laboratoire d'hégémonie dans le capitalisme. Et le thème de ce soir, réhabilitation de la technique, pas de la critique, je veux dire, peut-être nous pose la question aussi de l'interruption, du thème de l'interruption et aussi de l'effacement historique. Et peut-être ça serait intéressant, c'est une des choses qu'on va faire au début de cette émission, c'est de discuter un peu pourquoi la théorie de l'art a placé les avant-gardes historiques sous le signe de l'échec. En fait, la critique de l'après-guerre, donc dans son interprétation des années 20, dit que les avant-gardes historiques sont un échec. Mais peut-être nous allons écouter un peu de musique. Oui, vous nous proposez un morceau pour commencer, c'est cela? Voilà. Alors, il s'agit de The Residence, de l'album Doug Stab et du morceau Back is Dead. Back is dead. Back is dead. Back is dead. Bach is dead. Bach is dead. Bach is dead. Bach is dead. To see the Southern Cross at night, and so they set aside a song and tie their laces tight. Yes, mournful is the melody that echoes in their heads. Without a beat, they march along, believing Bach is dead. Bach is dead. De retour en studio, donc, Michel, avant ce morceau, vous vouliez vous présenter et Raël doit quitter le plateau, donc on vous... Pour son train, malheureusement. Donc, on va lui laisser la parole pour que... Maybe, Raël, you'd like to say a few words. Donc, on va parler un peu en français et en anglais. Tout à fait. Lucie va parler en anglais, Raël en anglais également, je sais, voilà, faire la traduction. Donc, okay, so I have to apologize that I'm not able to do this in French. Talking about a rehabilitation of critique means for me also looking at the symbolic discourse or maybe at the discourse in the art field, which is maybe to be understood within the market too sometimes. And I've been working on finding out how operations work of certain historical approaches or theorist approaches which are telling the story of the avant-garde. Michel, peut-être. Oui, Barral disait que le discours, au fait, examine comment le discours, au fait, fonctionne aussi à l'intérieur du marché de l'art, mm-hmm. du marché, les discours. Donc, pas simplement la marchandise qui est vendue. Et elle a fait une examination de la façon que certains récits historiques et théoriques ont traité l'avant-garde. D'accord. And what I find interesting is to find out how certain theories work or which kind of operations they use to tell a story which makes the avant-garde, the historical avant-garde or the avant-garde in general, kind of ineffective, ineffective for today, for actuality. And, elle a étudié comment les discours rendent au fait l'avant-garde inefficace pour l'actualité d'aujourd'hui. D'accord. And so I worked on one special theorist, which was who was very influential, and starting with a book he published in 1974. He's called Peter Burger, and what I did is I was trying to find out how his theory operates, and I worked out five different operations, which I can here only generalize. One of his operations is generalization, saying that, you know, the avant-garde, you can talk about the avant-garde, the different streams of avant-garde practices as only one. Donc, elle s'est concentrée sur Peter Burger, sur sa théorie de l'avant-garde, qui a eu beaucoup d'influence, qui a été écrite dans les années 70, et une des techniques qu'il utilise pour un peu désactiver l'avant-garde pour aujourd'hui, c'est d'abord la généralisation. Il confond oui. toutes les avant-gardes. D'accord. Donc, Dada, surréaliste, ouais, les constructivistes ouais. et productivistes, il les met tous dans un sac. Ouais. D'accord, sur le même plan. Ouais. And the second operation would be, I would call it misreading, which means that he interprets Dada, for example, as something very spontaneous, provocative, and a little bit childish. Mm-hmm. And then he transfers these ideas on the other avant-gardes. So all of them seem to be like, you know, a little childish, provocative, and nothing more. And he never refers to artists' writings. That's true, yeah. He normally doesn't quote artists at all. Oui, donc l'autre approche, c'est qu'il fait une mélecture. Il prend Dada comme le modèle de tous les autres avant-gardes, et Dada est spontané et provocatif et dans un sens infantile. Mm-hmm. Et donc tous les avant-gardes le sont. Et pour aider aussi son approche, il ne cite jamais les écrits d'artistes. D'accord. Shall I go on? Yes. So the third operation would be neglect, which means that this special theory absolutely doesn't take into account all practices which were effectively working on changing the structure of the art system in respect to the distribution or the notion of art, the function of the art object, or the role of the artist. Alors l'autre aspect, c'est de ne négliger, au fait, il ne considère pas la diversité d'approches qui ont lieu pour essayer de changer la distribution de l'époque ou la fonction sociale de l'époque ou le rôle de l'artiste. D'accord. And the fourth operation would be redefinition. And by that I mean that doing all that, what I've described before, this author interprets the whole history of the avant-garde as failure, as idealistic, as unrealistic, as inconcrete, you know, not pragmatic. And because he doesn't, you know, he doesn't look at the real practice at all. So he's kind of drawing a picture of, you know, some theorist who had crazy ideas in their minds, but, you know, didn't have any sense of reality or so. Donc l'autre approche, c'est la redéfinition. Nous avons en fin de compte une image de l'avant-garde qui est totalement idéaliste, oui. qui est non réaliste, qui est non pragmatique et qui est éloignée du concret. D'accord. And last would be finalization. By that, I mean that Berger tries to bury all the approaches in the sense that he says, you know, you cannot actualize that anymore because that has been done and that has failed. Mm. And so, you know, it is over. Don't wake up this project anymore. It's, you know, it's done. One for all. Mm. It's done, yes. Donc l'autre approche, c'est, elle appelle ça la finalisation, c'est que Berger, il enterre ses projets d'avant-garde, il dit on ne peut pas les réactiver, il dit il ne faut pas les réveiller, il ne faut pas faire ça. D'accord. J'avais une question quand vous avez parlé du point numéro 4, je crois, c'est number four. L'avant-garde non idéaliste, c'est ça, non réaliste, trop idéaliste. Est-ce que c'est le fait de, comment dirais-je, puisque ça fait référence à une période effectivement passée? Est-ce que c'est avec le recul que qu'on critique cette période ou qu'on a cette vision de cette période? C'est dû au recul du temps ou voilà. Is it because of the distance in time, the historical distance that he criticizes the avant-garde? Est-ce que le fait que on ne soit plus dans l'avant-garde, la critique est-elle plus aisée, on va dire, et plus avec le temps? Well, first of all, it's very hard to talk about the motivation of somebody because, you know, I don't know this guy. I just read his text, but I can kind of analyze the text structure and you know, the way the argumentation goes, and I can confront it with another style of historical approach. Mm. And if I do that, I find out that he obviously doesn't take into account a lot of historical sources. Mm-hmm. Mm. And bon, elle dit que c'est. Au fait, elle le connaît pas personnellement. Oui. C'est pas. Bon, ce n'est pas la question de parler oui, de ses motivations oui. personnelles, mais il y a le texte. Elle peut analyser la structure oui. du texte. And I think it is interesting to ask yourself why does history or because I'm looking at this special author as a prototype for a certain way of institutional history. Mm-hmm. And, oui, donc Berger, c'est un prototype d'un genre d'histoire institutionnelle. D'accord. And I think it's interesting just to understand how that works so that one can, you know, we can be prepared or we can work with this as a tool. Donc elle est intéressée à savoir simplement comment ça fonctionne. D'accord. Pour qu'on soit préparé quand on confronte à cet argument. Et oui. peut-être, je peux ajouter oui. que ce genre d'argumentation, on le trouve banalement partout. Actuellement. D'accord. En fait, Harald Falkenberg, un grand collectionneur allemand qui, en tant que dilettante, fait de la critique d'art, il répète exactement ce schéma. Très bien. Jean-Claude Moineau, vous vouliez peut-être intervenir sur le sujet. Vous êtes théoricien de l'art. Oui. Auteur de nombreux ouvrages. Et en ex-enseignant, il me semble, depuis ouais, peu, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, moi, je ferai quand même beaucoup ma critique à l'égard de Peter Berger, pour une fois. Je considère que le bouquin de Peter Berger est un bouquin extrêmement important, fondamental pour moi, même si c'est un bouquin qui n'a toujours pas été traduit en français. Donc le bouquin en question, c'est Théorie des avant-gardes, qui est traduit en anglais, mais qui n'est toujours pas traduit en français. D'autres livres, des articles de Peter Burger sont traduits en français, mais celui-là qui est de beaucoup plus important n'est toujours pas traduit. D'ailleurs, Peter Burger lui-même est revenu pour une grande part sur les positions qui étaient dans Théorie des avant-gardes, mais à mon sens, son bouquin de beaucoup plus intéressant et qui reste de beaucoup plus... Enfin, le meilleur reste Théorie des avant-gardes. Donc, pour une fois, enfin, je ne vais pas prendre la défense de Peter Burger, mais je pense que c'est quand même... Enfin, je suis pas tout à fait d'accord, je suis loin d'être d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je rappelle pour, quand même pour les auditeurs, que ce soit clair, que l'un des intérêts, l'un des mérites, justement, à mon sens, du bouquin de Peter Burger, c'est de distinguer entre modernisme et avant-garde. Là où il y a une confusion trop répandue habituellement entre les deux notions. Et souvent encore, dans le vocabulaire courant, ces deux termes sont mélangés. Donc, Peter Burger opère cette distinction. Il a une façon qui est la sienne de opérer cette distinction, qui est en partie critiquable, moi-même d'ailleurs j'ai des critiques à former dessus, par rapport à d'autres tentatives qu'il y a pu y avoir aussi, par rapport à d'autres auteurs, d'essayer de formuler cette même distinction. Une autre... tu veux traduire en allemand, en anglais? Non, j'essaie de traduire un peu en anglais, en parallèle, bon. Pour... C'est un peu compliqué à organiser. Lucie, du coup, comprend. Non, je comprends pas. So, Mano was saying that Burger, the advantage of his theory is that he does distinguish between modernism. He does distinguish between modernism. And avant-garde, he creates that distinction. Mm-hmm. Bien que si moi je peux ajouter en parenthèse de faire ça dans les années 70, c'est absolument rien d'original parce que l'international situationniste a fait exactement les mêmes distinctions en s'attaquant aux gens du grave, d'avoir plutôt une approche moderniste et en se revendiquant d'une avant-garde radicale des années 20 qui n'avait rien du tout à faire avec le modernisme de l'après-guerre. Le grave n'est plus, enfin, le grave, pour moi, n'a plus rien à voir avec le modernisme. Le grave, c'était une espèce de sous-produit du modernisme qui tirait, l'applicabilité moderniste dans le sens de l'illusionnisme, ce qui était tout le contraire, absolument, de ce que voulait le modernisme. Donc, je pense pas du tout que le grave, on puisse considérer que le grave soit moderniste. Le grave, à mon avis, n'a plus rien à voir du tout avec le modernisme. C'est comme tout le courant de l'art optique de l'époque. Le cinétisme, c'est le contraire même, de ce qui étaient les croyances, à mon sens, du modernisme. Est-ce que vous pourriez juste expliquer c'est ce que je voulais faire. Est-ce que vous avez donné beaucoup de non, je n'ai pas donné grand-chose encore non, pour l'instant. Non, mais le graphe. Ce que je voulais dire, donc, la distinction, alors, traditionnellement, la distinction avant Peter Burger entre modernisme et avant-garde, puisque c'est une distinction classique, moi-même, que j'utilise, à laquelle je tiens beaucoup. C'était de dire que là où le modernisme, malgré tout, conserve une certaine continuité avec le prémodernisme, ne brisait pas complètement, qu'il n'y a pas une discontinuité totale avec ce qui précédait, et que donc le modernisme restait effectivement encore dans l'étau, si je peux dire, de l'esthétique traditionnelle, philosophique. Par contre, l'avant-garde, la façon... avant Peter Burger, de caractériser l'avant-garde, la plus courante, c'est-à-dire que l'avant-garde marquait une discontinuité beaucoup plus importante avec ce qui précédait que le modernisme. Le modernisme, dans une mesure, était dans la continuité. Mm-hmm. L'avant-garde, elle, entendait faire l'expression courante table rase du passé. C'est une expression qu'on trouve chez les futuristes italiens, par exemple, bien sûr, dans un contexte politique qui est très différent de celui du judaïsme ou de celui du futurisme ou de l'avenirisme, comme on dit aussi, soviétique. Excuse-moi. This distinction between modernism and the avant-garde, of course, is sort of an older distinction. You usually see modernism as a sort of an extension of what happened within pre-modernism, whereas modern holds on certain concepts of aesthetics, whereas the avant-gardes are more linked with the idea of a tabula rasa, mm-hmm. and of a break. Mm. Okay. Well, can I say something to this? Well... On vous écoute Je n'ai pas terminé du tout. J'ai à peine commencé ce que je voulais dire. Donc, par opposition à ça, donc, Peter Burger définit la question de l'opposition avant-garde-modernisme, surtout en rapport avec le problème de l'institution. So Peter Burger distinguishes the opposition between the two with regard to the question of the institution. Première, l'idée que l'avant-garde effectivement rejette les institutions artistiques modernistes du type de celles que Bourdieu a décrites. C'est un Bourdieu qui reste complètement prisonnier du modernisme. Je suis très critique par rapport aux positions de Bourdieu, qui reste complètement prisonnier du modernisme, qui ignore complètement lui les positions avant-gardistes, qui parle de l'art de cette époque comme s'il se limitait justement au modernisme. So Burger, he kind of he makes this distinction. He says the avant-garde is revolting against institutions, and also this is a problem that we have in Bourdieu, that according to Moineau, Bourdieu is very trapped in this idea of looking at things in a modernistic way, and Bourdieu is also trapped to the idea of institutions. Donc, Peter Brueghel, c'est le questionnaire. Pour moi, je pense que Peter Brueghel, justement, c'est là où je suis critique par rapport à Peter Brueghel, je considère qu'il donne trop d'importance à l'institution. Et le rapport à l'institution. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui définit, enfin, c'est la façon dont je raisonne habituellement, l'opposition entre modernisme et avant-garde, c'est que, justement, sauf en dehors de la question de l'institution, ce qui définit le modernisme, c'est toujours la recherche de l'autonomie. L'autonomie aussi bien l'autonomie par rapport à la société, l'autonomie par rapport à la réalité, l'autonomie par rapport au spectateur, l'autonomie par rapport à l'auteur, l'autonomie par rapport au secteur. Bon. Alors au contraire, ce qui caractérise l'avant-garde, c'est avant tout l'hétéronomie. L'hétéronomie, là encore, qui se conjugue, tout comme l'autonomie, par rapport à tout. J'ai aussi oublié, bien sûr, ce qui est important, l'autonomie par rapport à la culture de masse, l'autonomie par rapport aux médias, etc. L'autonomie des médias entre eux, tout ça. Tout ça, c'est ce qu'on trouve aussi bien chez Adorno, chez Greenberg, chez tous les grands théoriciens, si différents soient-ils, là encore, du modernisme. À noter d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on est toujours le modernisme, alors qu'on est toujours les avant-gardes. Donc il y a malgré tout une certaine pluralité qui est accordée aux avant-gardes, puisque le terme avant-garde est utilisé au pluriel, là où jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le terme moderniste est toujours utilisé au singulier, même si depuis sont apparus, enfin certains auteurs ont cherché à faire apparaître une multiplicité de modernité aussi, ou de modernisme aussi, en distinguant le modernisme français du modernisme autrichien, du modernisme viennois, etc., Giovanni qui parle du modernisme de l'humour, etc., etc. Bon. Mais, en tout cas, pour moi, ce qui définit donc cette opposition, c'est vraiment cette question autonomie, sauf justement par rapport à l'institution, où là, il y a une structure en chiasme, puisque là où le modernisme, c'est toujours l'autonomie par rapport au spectateur, par rapport à la culture de masse, etc., par rapport au récepteur, et qu'au contraire, l'avant-garde, c'est l'hétéronomie par rapport à ces mêmes choses, eh bien, dans la mesure où le modernisme, comme le dit Bourdieu, a effectivement généré des institutions artistiques relativement autonomes, le modernisme, lui, ne cherche aucune autonomie par rapport à l'institution artistique. C'est au contraire l'avant-garde qui rejette l'institution moderniste et qui donc entend avoir une certaine hétéronomie par rapport à cette institution moderniste. Whereas modernism seeks autonomy with regard to the spectator and the context, it is, however, heteronomous, that is, dependent on the art institutions. And so you have sort of a chiasmus X structure, whereas the avant-garde is heteronomous towards the institutions. Autonomous towards the art institutions and wants to be dependent, heteronomous towards society and towards the spectators. Modernism has the inverted relationship. Et j'essaie de terminer rapidement pour laisser la parole à Varel, ce qui est un peu difficile. Si je suis même extrêmement critique, aussi bien par rapport au modernisme que par l'avant-garde, et pour moi il n'est pas question du tout de pérenniser tant les notions d'avant-garde que de modernisme, il faut à mon avis effectivement rejeter les deux aujourd'hui avec force. L'erreur commune pour moi du modernisme et de l'avant-garde, c'est de rester soit un terme autonomie, soit un terme hétéronomie, là où il aurait fallu au contraire chercher à déconstruire l'opposition autonomie-hétéronomie. Là où il ne peut pas y avoir d'autonomie sans hétéronomie ou d'hétéronomie sans autonomie. Et à mon avis, l'erreur de l'un comme l'autre, c'est d'isoler ces deux termes, autonomie-hétéronomie, au lieu de chercher effectivement à les relier. Et c'est la critique que je fais, non pas ici à Peter Brueghel, mais effectivement aussi bien au modernisme qu'à l'avant-garde. Raël, est-ce que do you want to say something? It's really a pity that I have to leave soon because it would be very interesting to discuss about this lot for longer. Maybe just a few sentences. What I'm interested in by deconstructing this Brueghel theory is that I find it extremely interesting to confront the original texts, which are, from my perspective, much more dealing with exactly these this complicated relation between heteronomy and autonomy, which are, you know, much more progressive than Berger. Alors, ce qui est intéressant pour elle, justement, c'est de confronter son texte simpliste avec les textes des avant-gardes originaux qui, d'une manière beaucoup plus subtile, justement, confrontent cette problématique de l'autonomie et de l'hétéronomie. Déjà maintenant, elle doit partir. On va faire une pause musicale, hein, si vous voulez bien, avant de reprendre le débat. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Numéro de téléphone 01 43 71 89 40. Si vous voulez appeler pour poser des questions à nos invités, n'hésitez pas. Nous, si possible, pendant les pauses musicales, nous allons essayer d'en mettre différentes au cours de cette émission qui va aller jusqu'à 22h. Alors, en plateau, c'est une émission qui est proposée par le collectif Target Auto No Pop. Raël Peufert nous a quittés, mais nous avons toujours le plaisir d'avoir Michel Chevalier avec nous, Lucie Lippard qui est toujours là et que nous allons certainement entendre, Jean-Claude Moineau, toujours présent, et enfin Yann Middelbos-Mitrick qui est toujours là. Donc nous étions en grande discussion, Jean-Claude Moineau et Michel Chevalier, au sujet de, enfin c'était surtout avec Raël, sur la notion de modernisme et avant-garde, c'était ça la c'est différence. Ça même, j'ajoute peut-être pour après on va parler d'autre chose, que par rapport à ce que disait Raël aussi tout à l'heure sur la critique que fait Peter Burker de tout ce qui serait tentative de réactivation de l'avant-garde aujourd'hui, il en parle surtout à travers une notion qu'il a forgée, qui c'est le néo-avant-garde, qui est une notion extrêmement importante, qui a été prise par quantité d'auteurs. Et le terme qu'il emploie n'est pas tellement celui de réactivation qui est utilisé dans l'autre sens, c'est celui de répétition. Donc il considère qu'effectivement, dans les années 60, sont apparus des tas de répétitions de ce qui était effectivement des choses qui avaient été trouvées historiquement par les avant-gardes, que ce soit le monochrome, par exemple, ou le ready-made, ou bien d'autres choses. Et pour lui, par exemple, l'art minimal, ne fait que retrouver, même s'il n'a pas forcément copié, des choses que le constructivisme soviétique, ou déjà russe avant la révolution, avait trouvé, mais avec justement quelque chose en moins qui est fondamental pour Peter Burger, et qui est que là où, comme je le disais tout à l'heure, les avant-gardes historiques entendaient pour le principal rejeter l'institution, à travers bien sûr leur diversité, mais dès qu'il y a un concept, forcément le concept s'applique différemment aux différents cas de figure, donc je suis bien d'accord avec Raël qu'il faut aller regarder les différents textes des uns et des autres, les différents mouvements en détail. Mais en même temps, si on essaie de forger un concept d'avant-garde, ou alors il faut rejeter tous les concepts, et tous les concepts posent problème effectivement dans leur généralité. Il y a toujours, il faut rester aux seules singularités, parler du judaïsme, parler etc., et rejeter des concepts plus généraux comme celui d'avant-garde ou celui de modernisme. Moi, c'est ma position. Mais en tout cas, donc son idée, c'est que les néo-avant-gardes répètent donc les solutions avant-gardistes à ce que je dis une différence près, qui est que là où les avant-gardes se situaient en dehors de l'institution, entendaient rejeter l'institution moderniste, entendaient faire de l'art dans la vie, etc., eh bien, les néo-avant-gardes, elles, le font dans l'institution artistique. C'est-à-dire, quand Robert Maurice suspend ses feutres, il le fait dans le musée. Et pour Peter Burger, ça perd toute la signification qu'avait l'exemple. Ceci dit, l'autre point sur lequel je pense qu'effectivement il y a échec des avant-gardes, je pense foncièrement qu'il y a totalement échec des avant-gardes, c'est que je pense que, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, là j'ai aucune originalité sur ce point, que les avant-gardes, Je suis un peu sur la position de Baudrillard sur d'autres points, c'est que en réussissant, c'est-à-dire l'utopie, comme dit Baudrillard. D'habitude on dit utopie, c'est pas réalisé, puisque souvent on parle d'utopie avant-gardiste. Mais l'utopie, dit Baudrillard, elle s'est réalisée, dit Baudrillard, mais elle s'est réalisée en se muant en son contraire. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les avant-gardes. L'avant-garde, c'était notamment l'hétéronomie de l'art par rapport à la vie, la fameuse liaison avec une modification de la vie, de l'art et de la vie. Ça s'est réalisé, mais c'est réalisé comment? En se déformant complètement, en trahissant complètement. Dans son contraire, c'est le design. Le design que critique Al Foster, a juste été dans son dernier bouquin, dont j'ai fait aussi une critique dans une revue récente. Eh bien, donc le design a été une espèce de perversion, une espèce comme ça de, où ça pénètre dans la vie, mais c'est à l'antipode de ce que les avant-gardes. Il y a aussi le bouquin, un auteur que qui a écrit des choses que des fois j'apprécie beaucoup, des fois beaucoup moins, c'est Greuss, par rapport à l'art staïnien, et qui dit qu'en réalité, dans une certaine mesure, l'art staïnien, qu'on oppose toujours en disant l'art staïnien, c'est le staïnisme, ça a été effectivement bien sûr, personne aujourd'hui ne va défendre l'art staïnien ou le staïnisme, mais l'idée de Greuss, c'est que là, au début, on dit l'art staïnien, c'est le contraire même des avant-gardes du siècle. Ce que montre Greuss, c'est que dans une certaine mesure, à sa façon, en trahissant bien sûr complètement les idées avant-gardistes, en les renversant en leur contraire, donc en faisant quelque chose de complètement réactionnaire, bien entendu, eh bien, là où l'avant-garde a réussi, l'avant-garde a échoué à toucher réellement en profondeur les masses, en tout cas c'est la thèse de Gross, eh bien le stalinisme, l'art stalinien, a finalement, dans une mesure, de façon évidemment complètement d'en haut, etc., parachuté, poursuivi dans une mesure à sa façon, mais bien sûr, encore une fois, en les renversant complètement à leur contraire, les idéaux qui étaient ceux des avant-gardes du début du siècle. Mmh. Si je peux dire quelques mots. Oui, bien entendu. On va essayer de quand même faire une discussion avec Lucie. Ça ne va pas. D'accord. Okay. You can understand what Jean-Claude is saying. Parce que ça va malheureusement trop vite, Jean-Claude. If I could just say a few words in English about the idea of the institution, I think it's wrong to say that the avant-garde were working outside of the institutions, because actually, if you look at the Russian avant-garde, they were very much involved in creating new institutions. And perhaps Jean-Claude and I have a different understanding of the word institution. I take the definition of Emile Durkheim, where institutions are not just bourgeois institutions, but any kind of form of collective belief and collective adhesion to a practice. That's an institution. And the Russian avant-garde were not opposed to the idea of institution per se. They were opposed to the bourgeois institutions, and they created their own new institutions, such as the Inkhuk, such as the schools. They created exhibitions. They created other institutions. So I have a little problem about that. I do agree that the problem with the 60s artists who, like Judd, who copied the Russian avant-gardes, is that they went into not only the, it's not a question of the institutions, they went into the market. They were working for capitalists selling merchandise, and Hal Foster did a very good deconstruction exactly of their work in his essay on the use and abuse of Russian constructivism in the catalog for Art into Life, which was published in, I think, 1982 or 85. That's a very good essay of Hal Foster's. But what I think it's interesting to discuss perhaps would be what happened in the 1960s with a lot of activist artists who actually did not go away from the institution, did not want to ignore the museums, but actually saw problematic things that were happening with the role of museums within society. For example, the Art Workers Coalition and the Guerrilla Art Action Group. And perhaps you, Lucy, could tell us a few things about this interesting relationship of people making non-commodity art, but still nonetheless engaging themselves with museum policy and the role of culture. Just before one thing, could you translate, please? Non, je suis désolé. Mais pour nos auditeurs, parce que là, Michel, vous avez pas mal parlé. Donc, en quelques mots pour nos auditeurs, là, vous avez. J'ai dit en bref que dire que les constructivistes, je veux m'appuyer sur les productivistes russes et les constructivistes, cette partie de l'avant-garde, dire qu'ils étaient hors de l'institution ou contre l'institution, pour moi, est faux. Parce qu'au fait, ils étaient hors du système, bien sûr, de l'art bourgeois, mais à l'intérieur de l'Union soviétique, dans les années, jusqu'à 25 environ, quand ça commençait à devenir assez répressif, ils ont fait énormément d'activités collectives. Il y avait des groupes comme Inkhuk, ils étaient membres de comités, ils ont organisé des expositions collectives, ils ont fait des structures de comment devrait fonctionner l'éducation, comment l'art devrait aller dans les usines. Mm-hmm. Donc, au fait, bon, c'est peut-être entre moi et Jean-Claude, on a une définition différente du mot institution. C'est une perte de rigueur, c'est pas ma position. Oui, d'accord. Non, mais vous utilisez aussi le mot institution dans oui, on pourra parler de ça plus tard. J'ai utilisé par rapport aux conceptions de Peter Brueger. D'accord, et bon, pour continuer ma traduction, parce qu'au fait, je fais juste la traduction maintenant, je voulais demander à Lucie, c'est très intéressant de parler de l'activisme des années 60, parce que à cette époque-là, on avait des artistes qui, non comme Judd, qui faisait des citations des constructivistes pour faire de la marchandise, on avait des artistes qui étaient moins intéressés à la marchandise, mais quand même qui se souciaient du problème de l'institution, des musées, et qui ont fait des actions intéressantes en confrontation avec les musées, comme le Guerrilla Art Action Group et le Art Workers Coalition. Ok, Lucie. Well, the Art Workers Coalition started actually with objects. It was about artists' rights, and it started with the artist, Greek artist Takis, who went into the museum and said, you have no right to show this piece. I don't want this piece shown in this exhibition. You have to show something else. The artist has the right to say what is shown. So it started out in a very basic artist rights platform. I mean, and Takis went into the Museum of Modern Art. He picked up his little sculpture and took it off the pedestal and took it away. I mean, don't think it ever got out of the museum. But and then a group of people were with him, and I wasn't involved in that part of it. But very soon, they started a group around this, and it almost immediately became a critique of the institutions themselves rather than the artist's right to do this or that within the institution. And of course, it was the period of the Vietnam War, so that immediately became the main function of the Artworks Coalition. So it has to be seen. I mean, the avant-garde is always reinventing itself, mm-hmm. and it reinvents itself in different contexts each time. So I'm not a theorist, so I don't get involved in all of this kind of naming stuff, but I do know what was motivating us at the time. And it was, we went back to the institutions not on the notion of artists' rights, but on the notion of the artists being the constituency for the museum that could say the museum was doing all the wrong things in terms of the Vietnam War because all the trustees were backing it. And when you started, and Hans Hacke was one of the people who did this, we started looking back and seeing how each trustee was tied into the war and the financial institutions that were supporting the war and so on. And this all sounds, probably relatively simple-minded now, but it was a revelation for a lot of us because we'd come into the art world thinking about art, and we had not been thinking about the context in which art mm-hmm. is manufactured, how it functions when it's shown, and so forth and so on. So this happened to come at a time 2 or 3 years after the notion of conceptual art had been formed, which I have a very strict definition of conceptual art, which is, tell me anytime you want me to stop. Okay, well, maybe before I come to... Let me at least do the definition. Yeah, that's it. Which is art that tries its best, I mean, it never succeeds, of course, to get rid of material. Yeah. I mean, it moving toward invisibility, or at least lack of material. I mean, the Ian Wilson was almost the absurd point of this, who did conversation as art. Yeah. But there were a lot of other ways. Anyway, do you want to go? Do you want to transfer? I think. Donc Lucie parlait de que au fait avec le Art Workers Coalition, ça commençait avec l'artiste grec Takis qui n'était pas content avec la façon que sa sculpture était exposée et qui au fait est rentré dans le musée, qui a sorti du socle. L'enlever du socle et essayer de sortir du musée avec. Oui. Et donc, au début, le Art Workers Coalition, c'était un peu sur le droit des artistes par rapport au musée, la façon que leurs œuvres étaient exposées, au fait, le contrôle de ce qu'ils avaient fabriqué. Mais ensuite, ça a commencé à changer un petit peu et à devenir aussi, avec le contexte de la guerre du Vietnam, de mettre en question un peu le rôle des musées. Et au fait, les artistes se sont rendus compte que, dans un sens, c'était un peu c'était un public spécialisé et qui justement serait autorisé pour dire ce que les musées faisaient de faux par rapport à la guerre du Vietnam. Et donc il y a eu des artistes comme Hans Hacke qui a examiné les gens qui étaient les mécènes du musée d'art moderne et voir comment du musée métropolitain de dire comment ils étaient actifs par rapport à la guerre du Vietnam et ce qu'ils faisaient. Donc ça a pris une différente teneur et la notion de l'art conceptuel. La notion de l'art conceptuel était de sortir des objets d'aller vers l'immatériel avec disons un point absurde qui était celui de Ian Wilson où il n'y avait que des discussions en tant qu'œuvre d'art. And then the idea, which now again sounds quite naive, was that nobody would want to ever own this stuff. I mean, who would want a photocopy? Mm-hmm. I mean, who would buy a photocopy? Who would buy a snapshot, a grubby little blurry snapshot or a conversation or whatever? And, of course, it turned out in the end that people will buy anything. The art world can swallow absolutely anything. Mm-hmm. I mean, no matter how insulting, no matter how dematerialized, no matter how whatever. So, but we didn't know that yet. Mm-hmm. so we charged on with the idea, and the Guerrilla Art Action Group was literally trying to overthrow the government, as well as the museums and so forth. But we felt that this was our world, the art world, which is always supposed to be a world in itself, and had unfortunately been a world in itself in when that period, especially the 50s or the Greenbergian stuff in the early 60s. So that if everybody took their own little world and recast it into some better form, then everybody else would be doing it, the teachers and the coal miners and the whatever would be doing it as well, and then all the pieces would go together and the world would change, you know. So that was the general idea. And conceptual art was just a sort of slap in the face of anybody making objects. There were people like Saul LeWitt, who continued to make objects, who was a tremendous influence on many of us. I'm sure he can be attacked on all kinds of levels, but he supported the coalition. He supported women artists when the feminist movement started. He was always behind the best thing, but he Saul just would never countenance being told what to do. I mean, he did wall drawings, which were dematerialized and still are. I mean, his wall drawings are sold all over the place, but they are redone each time and so forth. But you do, if you buy one, you get a little certificate. So it's the same thing as, the market is very much still there. And although he was also thinking that nobody would ever buy that. So as I say, the lesson of the last 40 years has been that everything is for sale in a capitalist society. There's no getting away from it. I mean, and I don't mean to, I've said the other night, I don't mean to feel hopeless about this. I continue to do the Gramscian thing, pessimism of the intellect, optimism of the will. But it within the art world, there have been, what do you call it in French, scabs lining up around the block every time we've talked about it. Les jeunes. Yes, les jeunes. Every time we've Alors, talked about... Alors, on va peut-être traduire aussi. Une deuxième traduction. Les traîtres. Okay. Alors, bon, en vitesse, Lucie avait dit qu'avec l'art conceptuel, l'idée, c'était en faisant des photocopies, personne ne voudrait acheter ce genre de choses ou des petites photos noir et blanc qui ne sont pas mises au point. Mais au fait, c'était faux. Donc, ça a pu être récupéré ensuite par le marché. Et il y a des groupes comme le Guerrilla Art Action Group. Ils voulaient non seulement faire tomber l'autorité du musée d'art moderne, ils voulaient aussi renverser le gouvernement américain. Ils étaient. Ce qui était intéressant, c'était auparavant, jusqu'à ce moment-là, le monde de l'art était un petit monde en lui-même. Avec l'influence greenbergienne dans les années 50, et que quand même il y a eu une espèce d'élargissement des perspectives. Et l'idée que c'était si quelqu'un arrivait à agir dans son monde, dans sa sphère particulière, les artistes dans la sphère de l'art, les secrétaires dans la sphère des bureaux, les ouvriers dans une autre sphère, qu'il y aurait une façon, une possibilité de convergence à un moment donné pour changer la société. Et quelqu'un, bon, dans un sens, la dématérialisation, c'était une gifle pour les gens qui, quand même, faisaient des objets, qui voulaient continuer à faire les objets. Pour Saul LeWitt, c'était un peu compliqué parce qu'il continuait à faire les objets, d'une part, mais d'une autre part, il soutenait beaucoup le Art Workers Coalition et il soutenait les féministes. Mais quand même, il a continué à faire ses dessins. Il a trouvé une méthode en faisant une œuvre, juste in situ, quand même avec des certificats de propriété. Et donc, ça, c'est le cas de Saul LeWitt, ça montre un peu la complexité de la situation. Mais que Lucie dit, malheureusement, il semble que tout est en vente dans la société capitaliste. Et elle essaye de citer Gramsci, de dire le pessimisme de l'intellect, mais l'optimisme de la volonté. I think that was the last point. On va peut-être faire une nouvelle pause, s'il vous plaît. Merci. Après la pause, d'accord. principal. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Numéro de téléphone en studio, pour une prochaine pause musicale, 01 43 71 89 40. Et nous avons le plaisir de vous présenter une émission spéciale dont le thème est pour une réhabilitation de la critique dans le monde de l'art. Donc autour de cette table, Lucie Lippard, qui nous vient des États-Unis. Auteur et critique, aussi en fait très bien. nous avons bien Michel qui fait partie du collectif Target Autonopop et qui a proposé cette émission. Mon collègue Jérôme maintenant. Jérôme maintenant également de France là pour le coup. D'accord. Jean-Claude Moineau de France qu'on ne présente plus, on va dire. Et enfin, Yann Middelbos-Mitrick, je vais y arriver en fin de l'émission, je ne désespère pas. Bon. Donc, juste avant la pause musicale, il s'agissait du groupe Capri di Rotte, c'était l'album Quintet, et je vais essayer de faire des efforts pour dire Ein Perdig. Oh non, allez, on y va, Michel, c'est trop compliqué. Ich baue mir ein Pferdekostüm aus. Technetium. Oh, alors c'est beaucoup mieux dit, effectivement. What's the name? It's like I'm making myself a horse costume out of, I don't know, technetium, some kind of. Et en français, ça donnerait quoi? Je me construis un costume de cheval. D'accord. Donc c'est un peu un jeu par rapport à mon nom. D'accord, voilà. Très bien. Chevalier, très bien. Donc avant la pause, Lucie nous parlait de la dématérialisation de l'art et de l'art concept, et je crois que Jean-Claude, vous vouliez dire quelque chose à ce propos. Oui, je vais déjà réintervenir très rapidement sur ce que disait Michel avant l'intervention de Lucie, et puis je parlerai après par rapport à ce qu'a dit Lucie en enchaînant. Pour ce que disait Michel, il disait, par rapport à ce que j'avais repris la thèse de Peter Burger, en la critiquant, j'ai dit que j'étais moi-même critique par rapport à Peter Burger, je suis loin d'accord avec lui, j'ai pas eu le temps, bien sûr, de dire tout ce que j'avais à dire sur la question. J'avais dit que Peter Burger, effectivement, considérait que l'avant-garde était complètement autonome par rapport aux institutions, aux institutions modernistes, là où, au contraire, bien sûr, le modernisme se le casait sans problème dans les institutions qui avaient lui-même sécrété ces institutions modernistes. Alors, pour ce qui est de l'URSS, bien sûr, en ce cas du cas soviétique, il faudrait distinguer ce qu'avait dit effectivement elle au début entre le dadaïsme, le constructivisme, etc., les différents mouvements avant-gardistes. Pour ce qui est spécifiquement du futurisme ou de l'avenirisme soviétique ou ce qui est du constructivisme soviétique et d'autres mouvements qui sont apparus effectivement en liaison avec la tentative de révolution soviétique, eh bien, il y a eu bien sûr un certain type de rapport spécifique à la question d'institution que n'évoque pas Peter Burger, c'est-à-dire une des critiques qu'on peut faire effectivement à Peter Burger, sauf que les institutions comme dont a pu parler effectivement Michel tout à l'heure, comme Lynn Cook, Ludwig Mass, etc., toutes ces institutions sont des institutions de nouveau type qui n'ont plus rien à voir avec l'institution dont parlait Peter Burger dans son bouquin, c'est une institution moderniste qui est celle aussi que prend en compte Bourdieu, qui ne prend jamais en compte non plus ces institutions de nouveau type, entre guillemets, qui ont pu se créer pendant la révolution soviétique. Pour ce qui est des institutions soviétiques, l'intérêt, enfin, si institution y est, c'est le fait que ces institutions de type révolutionnaire, c'est comme tout ce qui se met en place à cette époque sur d'autres plans que sur le plan politique, que sur le plan, pardon, artistique, notamment donc sur le plan politique, ces institutions qui sont en pleine gestation, c'est pas des choses toutes constituées, toutes instituées, comme l'est encore d'ailleurs l'institution moderniste. C'est des choses qui étaient en pleine ébullition. Donc on est toujours, donc à ce moment-là, qui avait effectivement un caractère qui est tout à fait différent. C'est toujours l'opposition qu'on fait depuis Spinoza entre l'instituant et l'institué. On était dans quelque chose qui était comme le constituant et le constitué. On est toujours au niveau du constituant, de l'instituant, et qui est en pleine. Et le problème, c'est que le danger, c'est toujours quand l'instituant se transforme en institué, quand le constituant se transforme en constitué. C'est une chose dont il a été beaucoup question, effectivement, sur le plan politique, par rapport aux questions constitutionnelles. Donc, pour ce qui est de l'URSS, les institutions, si institutions il y avait, c'est des institutions en pleine gestion, qui n'étaient pas des institutions fixes, des institutions qui bougeaient tout le temps, qui ont un caractère tout à fait différent que celui que critique le tort de Pierre Bugger, bien sûr, encore une fois, c'est de ne pas du tout en tenir compte, parce que, ça l'a très bien dit, il généralise trop, mais en même temps, c'est le fait d'un concept de généraliser, et c'est difficile autrement, sinon il faut en rester conjecteur aux simples singularités. So what Jean-Claude was referring to was what I said earlier with regard to the relation to the institutions. It's true that Peter Bugger sort of ignores the specific quality of the productivists and the constructivists, as well as the Italian futurists, that they there was actually new types of institutions which they were involved in, like Incouk and Faculté Mas. However, Jean-Claude Monod would say that these institutions should not be confused with modernist institutions, which is actually what Bugger is talking about the whole time. He's talking about modernist institutions, that the institutions that these groups were involved in were revolutionary types of institutions, which were in a state of gestation. And perhaps it's useful to refer to Spinoza, who makes a distinction between what is instituting and what is instituted. So these were institutions that were not instituted. They were in a process of being instituting. So that would be a point, and Sohail was correct earlier in referring to the fact that Bugger was making too many generalizations on a few of the points. Tu veux dire quelque chose à ton propre, par rapport à ce que disait Lucie. On a Valentin qui est venu nous rejoindre et qui a une petite question juste. Bonsoir à tous. Alors moi, ce qui m'apparaît assez intéressant dans ce que j'ai pu entendre comme ça un peu rapidement, c'est ça m'évoque parce que vous avez parlé tout à l'heure de la distinction entre instituant et institué. Vous avez parlé de Spinoza. Bon, il y a aussi un auteur qui a publié un livre assez important à mon sens dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle René Louraud, qui est un sociologue, un ethnosociologue français, qui a écrit un livre qui s'appelle « Autodissolution des avant-gardes ». Il réfléchit justement au fait que l'institution, il faut aussi la concevoir d'une façon dynamique, et que précisément dans les moments révolutionnaires, l'institution ne peut pas se concevoir uniquement du point de vue de l'institué, du point de vue de ce qui est établi, du point de vue de ce qui est finalement produit, et que les processus, disons, de matérialisation, ils sont aussi dynamiques, en fait, toujours. Et c'est quelque chose, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la différence entre autonomie et hétéronomie, justement, peut-être que toute cette distinction-là, finalement, elle est toujours en mouvement dans l'histoire. Et pour en revenir un peu, il me semble un peu à l'intitulé, en fait, de ce soir, en fait, qui concerne, disons, la réhabilitation de la critique dans le monde de l'art, est-ce que finalement, de façon très très simple, souvent, on a tendance aujourd'hui à, quand on est un peu extérieur, disons, c'est un peu mon cas d'ailleurs, à beaucoup de questionnements sur l'art et sur l'art contemporain, on a l'impression souvent que la critique, finalement, est devenue une partie intégrante de l'institué, d'un certain institué du monde de l'art. Est-ce que vous pourriez en dire deux mots, ça, la critique, quelque chose qui n'est plus dans un mouvement instituant, dans un geste qui, parce qu'on peut dire qu'il y a toujours du discours dans l'art, que c'est jamais quelque chose qui est, il n'y a pas d'un côté l'art et de l'autre côté la critique, il y a toujours eu vous voyez ce que je veux dire. La critique d'institution est elle-même devenue institutionnelle. Il y a une institution de la critique d'institution. Pour répondre très brièvement, parce qu'on voulait quand même parler de ce que Lucie a dit, je dirais que ce qu'on voit, c'est que dans le monde de l'art, avec la critique, c'est une critique sans réelles conséquences. Voilà. I would say that what's going on in the art world, we have critique as an exercise in rhetoric, but it is a critique that has no real consequences. That would be my point. And you were saying the critique was institutionalized. It has been institutionalized itself. Yes, I agree with that. Because I was just thinking, I mean, we keep talking about theory. I'm more interested in practice or action. But, I mean, we're talking about aesthetics, theory, and action. And the problem all along seems to me that the three of them have never totally gotten together. We in the 1980s, we ran into a lot of, it was a very heavy theoricized decade in the art world, in the institutions. And those of us were doing things sort of we were reading these people, but we were trying to act on what they were babbling about, and they never paid any attention to what we were doing. You know, they were far more interested in talking more and without paying any attention to it. So I would agree that, in a sense, just critique itself or the institutional critique has been institutionalized. But to go back to the 60s or 70s or whatever, the instituting and so on, we were trying to make institutions as well as get rid of them. But there was a great distrust, of institutions at all. So every time we'd try to come up with a good idea, somebody would chop it down because it was another institution. But one of the things we wanted to do was have artists run the museums or run their own spaces and put their own money into running their own spaces. And take all that money that went into the Museum of Modern Art would go into artist spaces. Now, we've had artist spaces that haven't been wildly successful, so it doesn't always work, obviously. But we also wanted artists to be on the boards of trustees of institutions. We wanted to decentralize the museums and take all the stuff they have in the basements and put it out to community centers, because it's just hidden away in the basements anyway, and see what people wanted. And did you succeed in a way or another? Did you succeed in a way or not? Well, we had one sad moment on the decentralization part of it, where we did a survey in Jamaica, Queens, which was at that point a heavily African-American neighborhood, and we went door to door and said, what would you like if you had an art center, a community center? And we ended up with things like basketball courts. Mm. But I mean, it was starting a dialogue that we felt was very interesting. And then the Rockefeller brothers decided to fund it. One of these guys I was working with came running in and said, we've got funding for the decentralization. I said, really? That's kind of utterly amazing. And he said, yes, it's something called the Rock Brothers Foundation. Mm-hmm. And I said, stop a minute and think who that might be. Uh-huh. It was because the Rockefellers were one of the people we were major protesting, because they ran the Museum of Modern Art. They founded the Museum of Modern Art. They were putting money into the war. Nelson Rockefeller was mayor of New York or governor of New York and so on. So there was, needless to say, we couldn't take the money, and that sort of deflated that project. And none of them ever came to fruition. And that's one of the sad things about all of these new institutions. It wouldn't have been an institution, but it would have been artist-backed. We wanted the successful artists to put all their money not into their dealers, but into our new institutions, and then go from there, and hopefully it would have been totally different institutions. Who knows? I mean, probably, or on the other hand, it might have ended up exactly the same way as everything else. Yeah. Oui, Lucie disait qu'au fait, dans les années 80, c'était vrai, c'est une période où il y avait énormément de théories et que les artistes, Lucie est plutôt intéressée à la pratique, à l'action, et que pendant les années 80, beaucoup des gens qui étaient plutôt dans le côté activiste de l'art ont passé beaucoup d'énergie pour essayer de lire ce qui se passait au niveau théorique, mais au fait, les théoriciens, ils n'étaient pas du tout intéressés à ce que les gens étaient en train de faire. Réellement. Et quand on revient aux années 60-70, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient, par exemple, en faveur d'avoir des nouveaux genres d'institutions, que les artistes dirigent, par exemple, les musées, ou peut-être que les artistes dirigent leurs propres centres d'art, ou bien qu'on prenne de l'argent des musées, qu'on prenne de l'argent qui va à MoMA, et qu'au fait, cet argent aille plutôt à des lieux qui sont dirigés par les artistes. Et par exemple aussi que les artistes soient sur les comités de direction de musées. Ça, c'est un autre aspect. De musée, I mean, oui. In quotation marks. Voilà. Et une idée, c'était aussi de prendre ce qui est, par exemple, dans les réserves du MoMA, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas dans la cave. Et il n'y a aucune raison que ça soit là. Au fait de disperser ça dans les communautés à New York, de faire une décentralisation. Mm-hmm. Et par contre, c'était un peu étonnant. Une fois, les artistes avaient fait des enquêtes par rapport à la population à Jamaica, Queens. Mm-hmm. Et au fait, ils ont demandé ce que la population aimerait bien. Et c'était plutôt des choses... It was like more like sports... Well, they wanted things that we didn't consider art. But at the same time, one of the things that we were really interested in was mixing art with life a great deal more. So we were willing to try to have a basketball court and a pool table and see what we could do with that. as art and as social critique, I mean, you know, as a dialogue with the community. Donc, au fait, la population voulait avoir, par exemple, un terrain de basket ou une table pour jouer au billard, mais eux, ils étaient intéressés au fait à mélanger l'art avec la vie, et donc ça aurait été peut-être intéressant de voir comment ça pouvait être combiné, le basket, le billard. Mais peut-être on peut. Dernière chose, ce qui était un peu choquant, c'est qu'il y avait cet effort de décentralisation, et tout à coup, une de ces personnes de la communauté ont dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, on va vous financer. Et les artistes ont demandé d'une manière très sceptique, c'est qui ça? C'est quoi? Et au fait, il a dit, oui, c'est un truc, les Rock Brothers. Et au fait, ils se sont rendus compte que c'était les Rockefeller, qui au fait étaient la cible de toutes les attaques des artistes activistes. C'est une tentative de cooptation. Et donc, ils avaient totalement suivi ce qui se passait et ils ont essayé de les coopter. Et au fait, parce que les Rockefeller, ils étaient dans l'État, dans le gouvernement, et puis ils étaient actifs dans la guerre du Vietnam avec l'armement. Est-ce que Lucie pourrait revenir sur cette notion d'art du public sollicité pour savoir quel type d'œuvre il aurait aimé voir quand Michel vous parliez des œuvres en rapport avec leur vie, avec le sport, avec le bon. Donc est-ce que ça a eu lieu? Est-ce qu'il y a eu des tentatives dans ce sens? Voilà. So Nathalie's asking the question. It's interesting with this idea of the survey that you asked, like not the elite population, but other people with their ideas, what sort of art they would like to have. Were there any kind of further steps that were taken? Did anything develop out of this dialogue about the art that people would like to have? Not enough. It was internalized by the artists who did this kind of thing, and I know it certainly affected me and contributed to my ideas from then on and so on. But, I mean, in a way, you know, wouldn't have been anything that striking because art was doing everything. I mean, there was probably art about basketball and art about billiards and art about whatever. I mean, there was almost nothing you could find that there wasn't art about on some level. So why not get into this kind of thing? But there was an artist named Don Sellender later in St. Paul, Minnesota, did another kind of survey asking people, what is art? What do you have in your home that's art? Would you spend money on art? Would you spend a whole week's salary on art? Do you think artists are politically effective or politically involved and so forth? And the answers were amazing. What kind of answers? Art that they had in their houses, and Group Material did an exhibition about this too, but that was not what we would call high art, but that's, you know, not necessarily be expected, and nor was it a bad thing. I mean, you know, there was lava lamps and family photographs, religious objects, paintings by other people, paintings that, you know, we had actually in one case they turned up a painting that had been lost by a major artist who just happened to have that. Oui, donc au fait, malheureusement, ces enquêtes n'ont pas été poursuites assez, mais dans un sens, ce dialogue a été internalisé par certains artistes, mais même, au fait, il n'y aurait pas eu un résultat tellement étonnant, parce qu'au fait, l'art faisait à peu près de tout à l'époque. Oui. On pouvait trouver des artistes qui travaillaient avec le basket ou d'autres genres de choses. Il y a un artiste qui s'appelle Don Sellender, qui était de St. Paul, Minnesota, qui au fait a fait une enquête demandant les gens, qu'est-ce que vous considérez de l'art? Les gens were all in the service sector. They were pretty low income. Alors il a fait une enquête parmi des gens qui travaillaient, qui avaient des petits salaires, qui travaillaient plutôt dans le secteur tertiaire. Et au fait, c'était les résultats, c'était à peu près, c'était pas tellement étonnant. C'était pas ce que l'avant-garde que les artistes peut-être auraient attendu. Et par exemple Group Material, qui était un groupe de New York, qui ont fait une exposition où les gens pouvaient apporter des choses qu'ils considéraient de l'art, et donc il y avait un grand mélange entre des choses différentes, des lampes de lava, les lava-lampes, des icônes religieuses, au fait une vraie œuvre d'art qui avait disparu était arrivée là aussi. On peut pas mesurer ici l'écart en fait qui se passait entre l'idéalisme en fait des années 70 et une volonté comme ça de transformer le monde et d'aller vers la vie et la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire une situation effectivement où on va scoltiner au réel, mais d'une façon un peu plus

Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et nous sommes toujours en plateau pour cette émission spéciale jusqu'à 22h pour une réhabilitation de la critique dans le monde de l'art, avec comme invité Lucie Lippard, qui nous vient des États-Unis, Jean-Claude Moineau, qui est bien français, bien parisien, on va dire, et Michel Chevalier, ainsi que Jérôme Guy. Il va falloir que je note. Et Yann, tout court, qui voulait nous parler donc des morceaux de musique que l'on oui, a entendu. Oui, le premier morceau, en fait, c'était Day Ho, The Banana Boat Song, et c'est une work song, en fait. Donc, c'est une chanson populaire jamaïcaine. C'est la version, donc... c'est une chanson qui part du point de vue des dockers qui travaillent la nuit à charger des bananes dans les navires. Et donc Day Ho, c'est donc la lumière du jour qui est attendue pour pouvoir rentrer chez soi. Donc après le travail. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une musique qui vient du monde du travail et qui sort comme ça. Et je sais pas quand on parlait tout à l'heure un peu de des artistes qui vont vers la vie, etc. Là, c'est un retour, en fait. C'est aussi ce qui est produit à partir de la position qu'on occupe, en fait, et pas une ingérence dans le monde, en fait. D'accord. Et ensuite, Can just mention really quickly that song is a traditional Jamaican dockers song dealing with sort of the working condition and that they were waiting for the day to come and for them to stop we work. All. Et Michel, nous avons ensuite entendu deux groupes Tumor Caster et Uri Geller, dans lequel deux groupes qui ont joué le même morceau, qui ont fait une reprise de Harry Parch. Un compositeur américain qui était très excentrique. Le morceau, la composition s'appelle Study in an Ancient Phrygian Scale. Et Michel Chevalier. Qui a fabriqué, est un instrument, il faut dire quelques mots sur Harry Parch, c'est quand même un auteur extrêmement important, trop peu connu en France, et qui est un inventeur absolument fabuleux. Oui. Et Michel Chevalier joue la clarinette. Dans le deuxième groupe, et Raël joue le violon dans le premier groupe. D'accord. Très bien. Jean-Claude, vous vouliez intervenir parce que, effectivement, vous aviez beaucoup de choses à dire sur ce qui a été. Oui, je ne vais pas pouvoir les dire toutes parce que il y a beaucoup trop de choses à dire. Surtout que j'aurais voulu déjà intervenir par rapport aux interventions présentes, etc. Enfin, bon, ça devient un truc à n'en plus finir. Donc, moi, par rapport à ce que Valentin a dit tout à l'heure. Ben, je suis sur l'euro, effectivement, ce que je disais correspond tout à fait à ce que dit l'euro, sauf que l'euro en reste, à la critique institutionnelle, là où moi j'aurais tendance plutôt, comme Foucault, à méfier, disons, de la fétichisation des institutions. Foucault dit on donne en général trop d'importance, tant aux institutions qu'aussi à l'État, par ailleurs d'ailleurs, parce que je parle de Foucault tout à l'heure, il a été dit en aparté qu'en général on ne fait pas suffisamment mention de Foucault. C'est ça. Donc, du coup, plaçons Foucault, qui est pour moi un auteur de référence, effectivement. Et donc, la thèse de Foucault, quand il parle de discipline, de gouvernementalisation, etc., c'est justement pour s'opposer, effectivement, à un discours qui est trop basé sur la notion d'institution, en dénonçant ce qu'il appelle l'institutionnalisme, qui est la fétichisation des institutions, ou comme d'ailleurs il rejette aussi la fétichisation de l'État, contre lui, qu'on peut dire chez Bourdieu. Milvaux est un auteur effectivement important, et ce que dit Louraud là-dessus est très proche, effectivement, de ce que j'avais cherché à dire en d'autres termes. Pour ce qui est. Après ça, pour faire le lien avec ce qu'a dit Lucie sur les années 70, elle aurait peut-être dû d'ailleurs donner plus d'importance au mouvement féministe, puisqu'elle-même, quand même, elle était présentée comme critique féministe. Le mouvement féministe aux États-Unis, sur le plan artistique, a été quelque chose d'extrêmement important, qui, à mon avis, était vraiment à l'avant-garde des questions dont Lucie a parlé tout à l'heure, qui reste le mouvement féministe américain reste trop dédaigné, enfin trop minoré, trop ignoré par les histoires officielles, l'histoire institutionnelle, si je peux dire, de là, alors que c'est les féministes, à mon avis, les artistes féministes, les premières, qui ont cherché effectivement à aller dans le sens de ce que disait Lucie tout à l'heure. Donc la cité féministe le féminisme après coup, mais d'emblée, moi j'aurais cité effectivement les artistes féministes avant même, enfin les artistes conceptuels, etc. Enfin, c'est les premières qui ont vraiment cherché à sortir effectivement des, enfin bon, des institutions en tant que telles. Maintenant, je traînais un peu ça. Pardon. Jean-Claude was saying, it's very interesting and important to talk about the feminists. That he believes they're very important in art. And they are much too disdained by the institutional histories, and that they were among the first actually to leave institutions. Well, I would I wish that were true, but in terms of leaving the institutions, my experience with feminist artists was that the artists wanted to get into the institutions. The conceptual art led me out of the art world. Feminist artists led me back into the art world because. There was a, you know, the egalitarian aspect to this where women felt that there were no women in museums, there were no women in the magazines, there were no women being written about and so on, and that before any real changes could be made, women's expressions had to be taken into consideration. Oui, donc Lucie n'est pas tout à fait... enfin, elle aurait bien aimé que les féministes, artistes féministes aient voulu quitter, mais au fait, ça n'était pas exactement le cas. Donc, pour elle personnellement, pour Lucie, c'est plutôt l'art conceptuel qui a sorti les gens des institutions, mais avec l'histoire de l'art féministe, c'était plutôt de rentrer dans les institutions et d'avoir une place égale dans les institutions. Avant que, before anything else could be done, then, avant then que, in the avant, 1980s, avant que quoi que, chose, y a, quoi que ce soit d'autre puisse être fait. Il y a eu effectivement la revendication, effectivement, égalitariste, anti-féministe première génération, effectivement. Puisque d'ailleurs, curieusement, les féministes, enfin les femmes étaient déjà dans les institutions au niveau administratif, si je peux dire. Pas au niveau des artistes. Les artistes, il y a relativement peu d'artistes femmes, mais par contre, il y a beaucoup d'artistes qui étaient à la direction des institutions artistiques. Beaucoup de femmes, moi j'ai mal dit. Beaucoup de femmes qui étaient, et donc les femmes sont rentrées d'abord dans les institutions, au niveau des directions d'institutions, avant effectivement, donc, de... So Jean-Claude is saying that actually that women were in institutions, but they were not in the institutions as artists, but actually on an administrative level. Well, even there weren't many, and there was a ceiling. Non, même là, il n'y en avait pas beaucoup, et il y avait un plafond. Jusqu'aux années 80. Jusqu'aux années 90. Because the women were caretakers, curators, critics and curators could be women, but not directors of museums, donc, not the people who really had any power. Oui, les femmes pouvaient être des critiques ou des commissaires, mais elles ne pouvaient pas être des directeurs de musée, elles ne pouvaient oui, pas avoir un pouvoir réel. Des commissaires, mais elles avaient quand même, il y avait des galeries qui étaient dirigées par des femmes, il y a quand même, les femmes ont été sur le plan d'institution, sur le plan de direction d'institution, on avance par rapport à ce qu'elles étaient sur le plan effectivement des artistes en tant que tel. Jérôme, j'ai pas dit qu'elles étaient. Jean-Claude was saying that women, there were women who were running galleries, and that let's say that as far as institutions go, the women were like ahead a little bit further in this sort of respect than they were as women artists. Mm-hmm. Yeah, a little bit. Bien que si je peux faire une petite distinction. If I can make a little distinction, there's also a difference between when we talk about women, which women who are running galleries were usually women from very privileged backgrounds. Alors, je vais faire une différence. Quand même, si on parle de femmes, il faut dire quelles femmes. Les femmes qui dirigeaient les galeries sont plutôt d'un contexte social très privilégié. Oui, bien sûr, ça, tu as tout à fait raison. C'est évident. Enfin, ceci dit, c'est pour dire qu'il y a eu, dans un premier temps, ce type de revendication. Après ça, il y a le passage aussi du féminisme, comme on dit, première génération, féminisme deuxième génération, qui a entraîné effectivement d'autres choses. Et c'est vrai que ça s'est fait en rapport, dans un rapport très étroit avec l'art conceptuel, étant donné que beaucoup d'artistes femmes étaient aussi plus ou moins en rapport ou issus de l'art conceptuel. Mais là encore, elles sont aujourd'hui minorées, même par rapport à l'art conceptuel en tant que tel. Enfin bon, ceci... Jean-Claude was referring that, you know, there was a first generation of feminism and a second generation of feminism, and it is interesting to see that they were very close to conceptual art. However, in historical reception, the feminism does have a rather a minor role in relation to the position that conceptual art has. Ceci dit, well, what feminism did was bring an entire life experience into the art world that had never been even considered. And it wasn't stylistic, it wasn't, you know, theoretical, it was far broader. And it, so it just never really been, I don't think it's ever really been looked at clearly enough. It's been theorized and it's been, the practice has been looked at, but the two have not been really put together. Donc, pour Lucie, au fait, le féminisme a apporté une nouvelle expérience complètement dans le monde de l'art. Ce n'était pas une question de théorie, vraiment. Et le problème, c'est que cet aspect, cet apport n'a pas encore été examiné jusqu'à aujourd'hui. C'est bien ce que j'ai dit. Entièrement d'accord. Completely agree. Et Jean-Claude, par rapport la thème de la dématérialisation. Oui, attends, j'y viens effectivement, mais chaque chose en son temps, si je peux dire. De toute façon, pour ce qui est des artistes conceptuels eux-mêmes, je pense que s'il y a eu des tentatives de sortir de gestion, là, personnellement, je suis assez, je reste assez réservé. C'est-à-dire, il y a eu finalement. C'est revenu rapidement. Beaucoup d'artistes n'ont jamais sorti de l'institution non plus. Beaucoup y sont revenus rapidement. Donc, contrairement à ce que dit Lucie tout à l'heure, moi je suis assez réservé sur la sortie de l'institution aussi des artistes conceptuels eux-mêmes. Bon. Jean-Claude is a little bit reserved about the idea that conceptual artists were leaving institutions. Même quand Robert Barry affiche la galerie est fermée, il affiche comme sur la porte de la galerie. Donc l'institution fonctionne bien en tant que telle, toujours. So even if Robert Barry puts a sign and says the sans parler de problème, tout en pas. But at the moment, it seemed like a tremendous step forward. Oui. I mean, that's all I can say. À l'époque, ça semblait comme un grand pas en avant. And if I could ça semblait, mais à mon avis, ça n'était pas. If I could say one little word, si je pouvais dire un mot, what for me is a much more interesting example of a politicized conceptual art would not be someone like Robert Barry, but a group like Tucumán Arte and the Rosario Group, who are working in Argentina, who really did leave art institutions and especially left the production of commodities in order to do a very radicalized practice which mixed social sciences with activism, with art representational issues. And they were censored by the government. So. And they were censored by the government. Donc, en au français, fait, ce qui m'intéresse comme Michel, un exemple d'art politisé, ça serait moins quelqu'un comme Robert Barry, que le groupe Rosario en Argentine avec son projet Tucumán Arte, donc qui pour moi a mené un travail très intéressant en synthétisant les sciences sociales avec l'activisme politique, avec les questions de la représentation. Je suis entièrement d'accord, mais justement, ce sont des groupes justement qui sont complètement ignorés par l'histoire de l'art officiel. Comme ce que je disais pour les films, c'est des artistes dont personne ne parle. Et je suis totalement d'accord avec toi. And these groups are unfortunately ignored by official art history. Right. Well, the global conceptualism show that was held about a few years ago, that did open up a lot of, and it's a big section on Tucumán Arte. Pardon. Il y avait l'exposition conceptualisme global récemment qui avait quand même on commence à en parler, oui, mais lentement, comme on commence aussi à parler des artistes numériques, mais lentement. Donc tout ça, c'est pas très, malheureusement très connu aujourd'hui. Donc ça, c'était une chose. Sinon, pour ce qui est Jean-Claude. Par rapport aux multiples choses que je dis. Oui, pour faire le lien simplement à ce qu'on disait avant, au départ, ce dont parle Peter Brueger, c'est surtout par rapport à Don John, etc., qui eux, dont je vais me chercher à sortir de l'institution, qui ne sont pas l'art minimal. L'art minimal, ça reste complètement au sein de l'institution. Donc, c'était par rapport à ça que Brueger parlait de néo-avant-gardisme, beaucoup plus que par rapport à l'art conceptuel. Pour ce qui est maintenant, Lucie tout à l'heure a cité, donc on vient à la notion de dématérialisation puisque tu en parlais toi-même, et donc Lucie tout à l'heure rapidement a prononcé le nom de dématérialisation, le terme dématérialisation étant celui qui est accolé, qui reste accolé, si je peux dire, au nom de Lucie, puisque tout le monde a entendu, tout le monde a lu, pas forcément ces textes, ils sont malheureusement toujours pas traduits en français, mais effectivement qui ont été dans les textes certainement les plus importants de qui date de 68, c'est ça. C'est ça, ouais. Ces années-là. Qui sont des textes basiques, qui sont étudiés partout, etc. Bon. Je traduis en vitesse. I mean, Jean Claude was agreeing that yes, Donald Judd and minimalism actually is art which is completely never tried to get out of the institution at all. But now he wants to get back to the idea, the concept that you mentioned really briefly, dematerialization, that in a way has become closely associated with your name. Là-dessus, il ne s'agit pas, à mon sens, de dénier l'importance, de l'apport historique de Lucie Lippard, mais en même temps, aujourd'hui, on peut aussi avoir une certaine distance critique aussi par rapport à elle. Je ne sais pas, peut-être que Lucie elle-même, d'ailleurs, aujourd'hui, quand elle pense à ce qu'elle a écrit, elle n'est pas forcément exactement sur la même position que les positions qui étaient les siennes quand elle a écrit en 68 ce texte. Je ne suis pas persuadé, pour ma part, des médecins a apporté énormément de choses. En même temps, je pense qu'elle ne correspond pas toujours non plus au fait, loin de là, de ce qui s'est passé effectivement dans le monde de l'art. Je n'ai pas compris la phrase. Je dis que la notion des métadiations correspond forcément exactement à ce qui s'est passé dans le monde de l'art. Je pense que, y compris l'art conceptuel, est resté dans cette mesure fortement matérialisé. L'art conceptuel a utilisé, comme on dit toujours, deux langages principaux, deux médias principaux, le langage proprement dit et la photographie. Dans une mesure, bien sûr, ils s'entendaient l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé ces deux langages, ces deux médias, je vais dans le sens de Lucie, c'est d'une mesure où c'était apparemment les langages qui apparaissaient comme les moins matériels. Je traduis un petit peu. Jean-Claude does not want to diminish the historical importance of your work, and perhaps you have a different position now than you did at the time. But he is not completely convinced of the term dematerialization, or that the term dematerialization actually corresponds to what was happening in art at the time, because you did have photography, the use of photography, and then there was the idea that language was not material. C'est ça, Jean-Claude, que il y avait l'impression que le langage n'était pas matériel. C'est ça, c'était l'idée que le langage était c'était une idée qu'on trouvait déjà chez Hegel, d'ailleurs. C'est une idée ancienne en philosophie qu'on trouvait chez Lessing, l'idée que le langage était le moins matériel des médias. Enfin, ça se basait sur deux idées, le langage comme quelque chose de relativement immatériel, ce qui allait tout faire en compte de ce qui se fait à l'époque quand même dans la poésie visuelle et la poésie sonore, qui, à le contraire, entendaient rematérialiser le langage. C'est arrivé à l'époque, dans la mouvance, là encore, d'ailleurs, des travaux du début du siècle, plutôt là chez les dadaïstes, il y avait une tentative d'essayer de rematérialiser la poésie, et donc le langage, à travers la poésie sonore et la poésie visuelle, qui, l'une comme l'autre, entendaient effectivement rematérialiser le langage. Of course, it's an old philosophical attitude. We often find that language is the least materialized of things. However, it's interesting to contrast this idea with what was happening with sound poetry or experimental poetry, also from the Dada period, that they were actually trying to materialize language with. Yeah, well, I mean, that kind of goes without saying. I mean, that wasn't what we were... Cela va sans se dire. That's not what we were talking about. C'était pas de ça qu'on parlait. But we je dis qu'à la même époque, il y avait des choses qui allaient dans le sens aussi du matériel. Et bien sûr, pour l'instant, j'en suis resté à la thèse de Lucie en tant que telle. Il est bien évident que la thèse de Lucie ne concernait pas la poésie sonore, la poésie visuelle, mais... Au contraire, elle concernait effectivement une tentative, mais qui était critiquable, à mon sens, au niveau de l'utilisation du langage, en niant la dimension matérielle du langage. De même pour ce qui est de la photographie, l'utilisation de la photographie se fait à travers l'idéologie de la transparence du médium, l'idéologie qui a eu des conséquences absolument catastrophiques au niveau de la photographie, à mon sens. Donc, dans un cas comme dans l'autre, à mon avis, par rapport aux deux médias principaux utilisés par l'art conceptuel, que ce soit le langage ou la photographie, c'était à l'encontre des propriétés tant du langage que de la photographie, ou à travers des conceptions très marquées et, à mon avis, déplorables, de la photographie et du langage. Okay, so yes, also in the case of photography too, some of the assumptions that it was are based that it's actually there's some kind of a transparency of the medium that Jean-Claude sees as a disastrous assumption, and so with the theme of both language and photography, the two instruments that we often use in conceptual art,